On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Doncs bé, hem escoltat també una altra de les cançons que hem destacat per sobre de les endemés de l'actualitat del 2019, amb aquest resum de l'any que hem fet. Òbviament, si és d'actualitat, si és de 2019, els ritmes seran força semblants, com era el cas d'aquesta cançó, que diuen que és la 14a millor de l'any, que en Kenji Girac em oblidé un tema que ens arribava des del seu àlbum Amigo, editat el 2018. I en el número 13, Indila, de Ernest Dens, al darrer dels balls, des del seu àlbum anomenat Mini Wall. Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour

ils t'ont racolé. Toutes tes copines, ouais, on les connaît. À force de zoner, ouais, on les a rôlées. Je suis abattu, je perds le fil. Et t'as pas un euro, fais pas de deal. Et t'as pas un kilo, fais pas le dealer. Je prends pas ça au sérieux, ouais, ça fait dealer. La gosse dandine. Changer de forfait, t'ont abandonné. Donc tu mets tes gants, tu mets ton bonnet. Et tu cours, continue de zoner. Donc tu sors, t'es beau. T'es bien accompagné, ouais, donc c'est bon, c'est bon. Elle a vu tout ton zéyo. À partir de là, ouais, tu te casses les dents. Ouais, tu te casses les dents, tu dépasses les bancs. Tout ça parce que la femme est bonne. Mais toi, tu la frictionnes, les consos s'additionnent. À la fin, c'est qui paye, bah c'est pas elle qui donne. Així es diu aquesta cançó també que acabeu d'escoltar amb el nostre espai Lola Music, avui en repassant els temes de més èxit a nivell comercial d'aquest passat 2019, i ho hem fet amb Marvel Out i aquest Bad Boy, abans amb Maestro Mai, i ara amb aquesta noia que porta el nom de Aya Nakamura. La cançó es diu La Dot. Recordeu que això és Olala Music, el programa de música en francès. J'avais pas levé, j'avais tous les mecs sur le bas-côté. Fais belle et tu vas câbler. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. Dans les recoins de ma tête, y'a comme un truc qui m'a fait. Suis le faux pasteur et c'est ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Je ok. Traites-tu de base, t'as adouci le bail. Ton amour. Tu m'as eu.